بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد والأهل وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، il y avait un point que j'ai oublié de citer hier dans la 40e mas'ala أو la 39e التي هي الإلحاد في أسماء الله. Le fait d'avoir de l'Ilhad dans les أسماء الله, c'est-à-dire les unir, de les annuler, de les blasphémer. يدخل في هذه المسألة كذلك تسميه الله بكلمه Dieu, le fait de appeler Allah par Dieu. هذا يدخل في الالحاد لان Dieu ليس من اسماء الله. تمام، Dieu ليس من اسماء الله. لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. Que Allah les plus beaux noms, il faut l'invoquer avec. On n'invoque pas Allah par le mot Dieu. Dieu ne fait pas partie de ses noms. Et celui qui viendrait à l'affirmer rentre dans l'ilhad, min asma illah. Quand on a déjà expliqué que les asma illah, déjà ils sont en arabe. Et des fois quand on traduit, c'est juste bab al-ihbar pour informer. Mais lorsqu'on parle de Allah subhanahu wa ta'ala, on l'invoque, qu'on le cite, on le nomme par ses beaux noms, les plus beaux noms qu'il a. Dieu n'en fait pas partie. Et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, bab, quand on sait, en guise de alamiya, on les traduit pas. On les traduit pas. Car déjà même pour les créatures, on ne traduit pas le nom d'une créature. Quelqu'un a un prénom dans une langue, on vient pas pour le traduire par l'autre langue. On l'appelle pas son prénom, parce que son prénom. Et ben, Allah subhanahu wa ta'ala, aoula min dhalik. Encore plus endroit que ses noms ne soient pas traduits. Lorsqu'on parle de lui subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il n'y a pas aucune difficulté à dire Allah pour les gens. Mais souvent les gens, ils disent Dieu, pourquoi? Pour pouvoir, avoir une porte plus ouverte, pour, pouvoir discuter avec les koufars ou réel dhalika. Ils disent Dieu. Autant là, ils osent pas dire Allah par peur de passer pour des extrémistes, des radicaux. Donc ils disent Dieu. D'après eux, ils sont ouverts. Maintenant, des fois, quand le mot Dieu est employé, c'est pourquoi, des fois, pour prendre le kafir par ceux avec quoi ils discutent. Par exemple, un kafir, il te dit, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Toi, tu lui réponds, bah, Dieu s'il fait ceci, cela, alors tu peux, kaza et kaza et kaza. Juste pour lui répondre à lui à ce moment-là. Mais ce n'est pas une habitude, comme, Cheikh al-Islam, rahmanallahu ta'ala, utiliser les termes des philosophes pour pouvoir les réfuter avec leurs propres termes. Mais sinon, à la base, ce n'est pas une chose à faire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de le nommer Dieu, rend dans l'ilhad fi asma'ihi, wa hadha min masail al-jahiliya. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour combattre ces masail et s'y opposer. Donc, on n'a pas à nous arriver et à les réinstaurer. Donc, aujourd'hui, on va prendre muraja'a, masail qui sont déjà passées. Une quarantaine. Al-oula, du'a, al-awliya wa salihin. Qu'ils invoquent les alliés et les salihin. C'est-à-dire là, c'est le shirk. Qui n'ont pas dit khalas, qu'on avait pris. Masala thaniya, tafarruq ahl al-jahiliyyati fi ibadatihim wa dinihim. Ils sont divisés, les gens de la jahiliya sont divisés dans leurs adorations et dans leur religion. Masala thalitha, i'tibaruhum mukhalafat wali al-amr fadila, wa ta'atuhu al-inqiyadu lahu dhilla wa mihana. Qu'ils considèrent que le fait d'obéir au gouverneur, cela pourrait être un rabaissement et une honte. المسألة الرابعة التقليد الأعمى والمضري. Le fait de suivre aveuglément. Les conséquences qui en découlent. المسألة الخامسة الاحتجاج بمعالي الأكثر دون نظر للمستندي. Le fait qu'ils argumentent, qu'ils prennent comme preuve la majorité, le grand nombre, sans regarder sur quoi ils se basent. المسألة السادسة الاحتجاج بمعالي الأقدمون دون نظر للمستندي. Qu'ils prennent comme preuve sur quoi se basaient les premiers, les anciens, parmi leurs pères et non pas les salafs. On avait bien expliqué à différencier. Et en plus, ils disent bien, d'un et n'envoie les moustanadis, qui regardent en plus, qui ne voient pas sur quoi ils se basent. Le fait juste que c'est un ancien, son grand-père, arrière-grand-père, sont ses ancêtres, pour eux, ils sont sur la vérité. Donc ils suivent leurs traces. Al-mas'alatu sabi'a, al-istidlal bima'ali al-quwa bi'annahu huwa al-haq. Qui prennent comme preuve sur quoi se trouvent les gens de la force. Les gens qui ont le dessus en apparent. Que cela est la vérité. Donc la masala famina, c'est son contraire. Al-istidlal bi anna ma'ali du'afa lisa haqqan. Que ce sur quoi se trouvent les faibles, cela n'est pas la vérité. Al-masala tasi'a. Iqtida'uhum bi fasaqati al-ulama wa juhal al-ubad. Donc le 9e point. Mas'ala, qu'ils suivent et reviennent vers les ulama fasaqa, parmi les pervers des ulama, parmi les ignorants, parmi les dévots. On a expliqué qu'il faut comme les ulama, humul ladhina la ya'maluna bi'ilmihim, sont ceux qui n'appliquent pas leur science, qui ont un savoir qu'ils n'appliquent pas. Ou alors gaiman, qui parlent de ce qu'ils ne savent pas. Et les juhal min al-ubad sont ceux qui appliquent sans science. Al-masalatu al-ashira. Ramihim al-din bi-qillat al-fahm wa 'adam hifz. Qu'ils accusent les gens de religion de ne pas comprendre. D'être des gens démunis de réflexion. Al-masalatan al-hadil ashar wa thani ashar. I'timaduhum 'ala al-qiyas al-fasid wa inkar al-qiyas al-sahih. Donc la 11e et 12e mas'ala, qu'il se base sur le qiyas qui est fasid, qui est faux, et qu'il refuse le qiyas qui est sahih. Il refuse le vrai qiyas, la vraie analogie. Al-mas'ala al-thalitha 'ashara. Al-ghulu bi ahli al-'ilm wa al-salah. Qu'ils exagèrent dans les gens de science et les gens de la réforme, les gens pieux. Ils les élèvent à un niveau autre que les leurs. Al-mas'ala al-rabi'a 'ashara. Dafihum al-haq wa ithbatuhum al-batil. Qu'ils refusent la vérité et affirment le faux. On avait expliqué que certaines de ces masaïles se ressemblent. Certaines sont les mêmes. Ou ont des grands points communs. Al-mas'ala al-khamisa 'ashara. I'tizaruhum 'an qabul al-haq bi'udhr batil. Qu'ils justifie le refus de la vérité par de faux prétextes. Avec de faux prétextes. Al-mas'ala al-sadisa 'ashara. I'tiyad al-yahoud al-tawrati bi kutub al-sihr. Que les juifs ont changé, ont remplacé la Torah par les livres de sorcellerie. Donc ça revient ça à quoi? À nafi al-haq wa ithbat al-batil. Ça revient à la même mas'ala, mathalan. C'est le même osl, c'est le même fondement. Al-mas'alatu al-sabi'ata 'ashar. Nisbatuhum al-batil il-anbiya. Qu'ils attribuent le faux aux anbiya, aux prophètes. Al-mas'alatu al-thamina 'ashar. Intisabuhum il-anbiya ma mukhalafatihim. Qu'ils s'apparentent aux anbiya eux-mêmes, sauf qu'ils s'opposent à leur voix. Al-mas'ala al-tasi'ata 'ashar. عيب الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم. Qu'ils critiquent les gens pieux en leur attribuant les erreurs de ceux qui les suivent ou qui s'apparentent à eux. المسألة العشرون. اعتقادهم أن أفعال السحرة والكهان من كرامات الأولياء. Ils ont pour croyance que ce que commettent comme acte les sorciers et les voyants ou autres que cela, parmi les charlatans, que cela est parmi les miracles des alliés, des aouliyas. Pour eux, ce sont des miracles. Al-mas'ala al-hadiya wa ishroun. Ta'abuduhum Allah bis-safir wa tafsiq. Qu'ils adorent Allah par le sifflement et le tapement de main. Al-mas'ala al-thaniya wa ishroun. Ittikhadhuhum ad-din lahwan wa la'iba. Qu'ils prennent la religion en raillerie. Et comme distraction. Et on avait expliqué également que tous ces points ne sont pas forcément présents dans tout jahili, toute personne de la jahiliya. Certains de ces points sont présents, sont plus propres aux gens du livre, al-kitab, et d'autres sont plus proches des umiyyin, des gens qui n'aient pas de livre comme les arabes. Et certains sont communs entre les deux. Wa akada. La yalzem, qu'on trouve tous ces points-là dans un jahili pour dire que ça c'est parmi leur sifat complètement. Ça c'est leur sifat umuman. Tu peux en trouver certaines chez certaines personnes, et d'autres non, et ainsi de suite. Mais tous ces points-là sont présents chez les gens de la jahiliya de façon générale. Hadha wal maqsoud. Al-mas'ala thalitha wa ishroun. Al-ihtirar bid-dunya. Qu'ils se font leurrer par la dunya. Qu'ils pensent que la dunya qu'ils possèdent est une preuve de leur force et qu'ils sont sur la vérité. Al-mas'ala rabi'a wa ishroun. 24e. زهدهم في الحق إذا كان علي الضعفاء. Qu'ils délaissent la vérité s'ils y trouvent les faibles. المسألة الخامسة وعشرون. الاستدلال على كون الشيء باطلا بسبق الضعفاء إليه. pour une chose, elle est rendue bâtile du fait que les deux afa les y ont devancés. Quand même, qui rend une chose bâtile, un haq qui le rend bâtile du fait que les deux afa les y ont devancés. Al-Masala al-Sadisa wa Ishroun. Tahrif adilat al-Kitab ba'd ma'rifatiha li tawafuq ahwa'ihim. Qu'ils altèrent et changent les preuves du livre après qu'ils les ont connues pour que cela coordonne avec leur passion. Al-Masala al-Sabia wa Ishroun. Ta'lif al-Kutub al-Ba'atila wa nisbatuha ilallah. Qu'ils écrivent de faux ouvrages de leurs mains puis les attribuent à Allah. Ils disent que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. المسألة الثامنة عشرون رفض ما عند غيرهم للحق qu'ils refusent ce qu'il y a chez les autres comme حق que le حق n'est que pour eux. المسألة التاسعة عشرون لا يعملون بقول من يزعمون أنهم يتبعونهم qui n'appliquent pas et ne suivent pas n'appliquent pas les paroles de ceux à qui ils prétendent s'apparenter. المسألة الثلاثون الأرض بالافتراق وترك الاجتماع qu'il opte pour la division et délaisse l'union. المسألة الحادية وثلاثون عداوتهم للدين الحق ومحبتهم للدين الباطل la haine qu'ils éprouvent envers la religion de vérité et l'amour qu'ils ressentent pour la religion du faux. المسألة الثانية وثلاثون كفرهم بالحق الذي مع غيرهم ممن لا يحبونه qu'ils mécroient en la vérité si elle provient de gens qu'ils n'aiment pas. Là, c'est un point distinctif avec l'autre mas'ala. L'autre mas'ala, c'est umuman. Dès que la vérité avec autrui, ils ne prennent pas. Ça, c'est parmi les sifas de la jahiliya. Et d'autres sont plus spécifiques, c'est qu'ils n'acceptent pas la vérité des gens qu'ils n'aiment pas. Même si ça veut dire que ces gens, par exemple, viendraient être des gens de leur groupe, s'ils ne l'aiment pas, ils ne vont pas accepter de lui. Par exemple, un juif, un Yahoudi, c'est un autre Yahoudi qu'il n'aime pas, bien qu'une vérité ne veut pas l'accepter. C'est dans le même groupe ou même dans les groupes qui sont extérieurs. Sawa, sawa. Al-mas'ala al-thalitha wa thalathun. Tanakuduhum fi ikrar wa inkar. Qu'ils se contredisent en affirmant des choses qu'ils renient par la suite. Comme par exemple, ils affirment qu'ils suivent Ibrahim, alayhi salam, et pourtant ils refusent de faire le hajj et renient le hajj. Alors que la Kaaba a été construite par Ibrahim, alayhi salam, et les rites du Hajj proviennent de lui également. Al-Mas'ala al-Rabi'a wa thalathun. Kullu firqatin tuzaki nafsaha duna ghayriha. Que chaque groupe se vante lui-même, se purifie lui-même en dehors des autres. Al-Mas'ala al-Khamisa wa thalathun. Taqarrubu min Allah bifi'l al-Muharram. Qui se rapproche d'Allah en commettant des actes illicites. المسألة السادسة وثلاثون تقربوا من الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام qui se rapproche d'Allah en rendant haram le halal et halal le haram. المسألة السابعة وثلاثون اتخاذهم الأخبار والرهبان أربابا من دون الله qu'ils ont pris les moines et les rabbins comme seigneurs en dehors d'Allah, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs savants et leurs gens pieux comme seigneurs en dehors d'Allah, c'est-à-dire que ce sont eux qui leur légifèrent leur religion, qui leur disent ce qui est halal, ce qui est haram. Et les suivants cela. Al-mas'ala al-thamina wa thalathun. Ilhaduhum fi asma'illah wa sifatihim. Wa kadhalik al-mas'ala al-tasi'a wa thalathun. L'ilhad, c'est-à-dire qu'il renie le nom d'Allah et ses attributs. Wa al-mas'ala arba'un. Juhud al-rab subhanahu wa ta'ala. Là qu'il refuse l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là c'est l'athéisme en fait. Et le précurseur de cette croyance, c'est Pharaon. La'natullah alayhi. Fa sanaqifuna. C'était un talkhis. On vient de faire un talkhis de toutes les masaïles qui viennent de passer, qui sont une quarantaine. Pour pouvoir repartir chez là à nouveau dans une nouvelle masaïl. Wa kullu hadhihi nashan li'umma. Tout cela pour la umma en guise de conseil, afin d'éviter de tomber dedans. Et vous constaterez, comme nous l'avons expliqué, que même aujourd'hui, chez des gens qui s'apparentent à la sunna, certaines de ces masaïles sont présentes. Malheureusement. Ça, par ignorance. Car ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'était Sur quoi étaient les gens de la Jahiliya tamaman? فهذا ينبغي التعلم في مثل هذه الأمور اجتنابا للوقوع فيها. Il nous revient d'apprendre ce genre de choses pour éviter de tomber dedans. Comme le Cheikh avait dit dans la Mukaddima, celui qui ignore une chose tombera dedans. Et les ulama disent également, celui qui ignore une chose, il va la combattre. Il va s'y opposer. Les choses qui sont inconnues, qui sont nouvelles, fil ghalib, elles nous effraient. Elles nous effraient. Et donc, quand une chose nous effraie, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on la combat, on essaie de la repousser. فبيد القدر نكتفي ونقول الحمد لله رب العالمين.